Pauline Girard, comment voyez-vous les choses? Quel est votre sentiment sur cette situation délicate? Pour ma part, je ne partage pas le pessimisme de Louis Dumas. Ce qui, à mon sens, s'avère crucial, c'est l'engagement de toute l'équipe dans ce projet. Ceci dit, je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas parfait et que nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous, Louis Dumas, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'entreprise? Eh bien, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Pauline Girard, les décisions prises se sont révélées contre-productives. Pour mon compte, j'attends de la direction des propositions claires et solides. Considérez-vous qu'il y ait de la part de la direction une sorte de frilosité? Ce n'est pas faux. Il y a de ça dans la faiblesse de certains investissements. Et vous, Pauline Girard, ne pensez-vous pas que l'entreprise aurait intérêt à prendre davantage de risques? Oui, vous n'avez pas tort sur ce point. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons encore améliorer notre stratégie. La prise de position de notre directeur va d'ailleurs dans ce sens. Quant à moi, je maintiens que nous sommes engagés dans une mauvaise voie.